j'avais roulé l'eau, mon bicyclette. Mon joint une petite femme qui j'avais mangé, mon j'ai limonté. Limonte l'eau, mon cadre qui trappe, mon guidon, mon poumon spédaler. Anoualé, anoualé, anoualé, jusqu'à mon la roue fin dégonflé. En BN dimanche, mon j'avais roulé l'eau, mon bicyclette. Mon joint une petite femme qui j'avais mangé, mon j'ai limonté. Limonte l'eau, mon cadre qui trappe, mon guidon, mon poumon spédaler. Anoualé, anoualé, anoualé, jusqu'à mon la roue fin dégonflé. Ave pompé, pompé, pompé, pompé, pompé, jusqu'à gamma gagne pompé. Pompé, pompé, pompé, pompé, pompé, jusqu'à gamma gagne pompé. Ave pompé, pompé. Madame Pile a pour descendre. Les diamants gosses sont copies d'enfants, en copie divan. Mon diali, madame, en copie divan, ça l'est trop risquant. Les diamants, pas si t'es mon garçon, s'il y a des gonflés, n'a pompé. Lola monte en bottier, dit madame Pile a pour descendre. Les diamants gosses sont copies d'enfants, en copie divan. Mon diali, madame, dans mon pied divan, ça l'est trop risquant. Les diamants, pas si t'es mon y'a des gonflés n'a pompé. Ave pompé, pompé, pompé, pompé, pompé, jusqu'à gamma tenu pompé. Ave pompé, pompé, pompé, pompé, pompé, jusqu'à gamma tenu pompé. Ave pompé, pompé, pompé, pompé.